Bienvenue à Mélomanes sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce mercredi 24 mars 2021. Très content de vous retrouver ce soir après une petite relâche de rien la semaine dernière. J'espère que ça vous a pas trop pris par surprise. Mais il y a une solution à ça, c'est que si c'est pas déjà fait, je vous invite bien sûr à adhérer au fameux groupe Facebook Mélomanes pour être au courant de toutes ces petites nouvelles-là à l'avance et surtout pour du contenu musical toute la semaine, bien sûr. C'est une belle communauté de bientôt 1000 membres qui est en train de se créer là, donc je compte sur vous pour me partager ça. Mais sinon, la dernière fois qu'on s'est quitté, on était en plein Mélomane Punk. On s'est fait brasser la cabane pas mal, donc vous l'aurez deviné, ce soir, on va y aller d'un beau petit et varié format classique. Mais les habitués savent, ça ne nous empêchera pas de tirer dans toutes les directions quand même. Et tout ça, ben ça se passe à Mélomane sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9. We'll be right back.

89.1 et 88.9, vous écoutez Méloman avec Mathieu Lajoie. I am the world that finds you. Motherfuckers to the back of the mind of Bill. See, I'm for real with delivering these MOP tactics. I'll bury you bastards. I custom make caskets. The BG, soldier nigga. The YG, soldier nigga. Even the OG, cobra nigga. Soldier nigga, I may come with my gun in my hand to make sure you motherfuckers understand. Pardon me, how the fuck you gon' stall with me? I'm a heavyweight in this game, you just fall with me. You get legs down from your face down, drop your shit. Niggas throw them on peace, stand for mopping shit. Don't get it twisted. I told you that we top of the line, design realistic. For instance, mash out my side. We'll come through and clear your ass out, dump and air your ass out. Shut, we cold. One of the fastest at blasting flashes. Work. You seen my work, you know my steez. It's a slim chance that I'ma hesitate to squeeze. Please, money never made me, money never played me. And money bet not make me. Whack his ass, subtract his ass when I step through his hood. Fuck dropping you, I'm into stopping you for good. Stop him if you could. You're as cold as ice. And you'll be stiff as a log in a suit looking nice. You're a sinner, nigga. You're as cold as ice. But you ain't cold enough to freeze hot slugs when they run up in ya. You ain't in my class, nigga, I'm the last nigga. You gon' fuck around and get blasted, sucker ass nigga. The soul survivor, survivor soul. Nigga, you rollin', not rollin' strong. I told you that I'm cold. Shit, I ain't concerned until it's my turn. I snatch a mic, jump on the stage and show my ass like Howard Stern. But not in that form. I perform lyrical heat waves that'll keep your brain warm. But when it's on, you fuck around and get ripped up. But get placed in a body bag with that ass zipped up. So tag him, get him. Even ballistics won't be able to tell how to full rack him. Drag him halfway down the block. Now you know where niggas go when the niggas close up, niggas shop. Tell me something new on behalf of the first family staff and homicide crews in control. Real niggas won't fall. I told you we were cold. Oh, Et c'est à Méloman que ça se passe ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9, où on vient de faire un petit hommage impromptu comme ça en passant au groupe Foreigner, à qui on doit une flopée de gros succès à la fin des années 70 et dans les années 80 principalement. Mais ce qui est assez remarquable en rétrospective, c'est que Foreigner sonnait déjà passablement années 80, déjà en 77, c'est-à-dire de leur premier album homonyme sur lequel on pouvait retrouver déjà Cold as Ice, méga succès qu'on entend encore couramment aujourd'hui, qu'on pourrait penser, comme je vous dis, tout droit sorti des années 80. Eh bien, non, 1977, année du punk dont on parlait il y a deux semaines, année aussi de Saturday Night Fever, année de la mort du King Elvis Presley. Donc, sans vouloir exagérer puis dire qu'ils sont visionnaires, je pense qu'on peut quand même dire qu'il y avait un son assez particulier qui allait teinter, nourrir très fortement la décennie à venir. Des fois, il faut donner à César ce qui revient à César. Et donc, sur ce même premier album, on pouvait aussi retrouver des gros hits comme « Feels Like the First Time » et « Long, Long Way From Home ». Peut-être que ça vous dit rien vite comme ça, mais pas mal sûr qu'en les entendant, ça serait des mélodies qui vous disent quelque chose. D'ailleurs, c'est pas mal ça mon point. Foreigner, un groupe auquel on pense pas et pourtant duquel on connaît tellement de chansons. Et nous, ben, c'est la très accrocheuse Double Vision qu'on vient tout juste d'entendre de leur deuxième opus, cette fois-ci en 1978. Chose qui suivait de très près une autre de leurs chansons que vous avez reconnue, sans doute. On a entendu I Wanna Know What Love Is, certainement un de leurs plus gros succès en carrière, originellement de 1984. Mais là, c'est la version planante du groupe indie suédois Amazon, et non Amazon, qu'on a entendu en 2017, juste après, toujours dans l'idée du clin d'œil à Foreigner, quelque chose d'un peu plus robuste, disons, M.O.P., alias Mashout Posse, du groupe rap, du gros rap de Brooklyn en 2000, avec tout simplement Cold as Ice, qui, vous l'aurez deviné, faisait appel à un échantillonnage de la pièce du même nom de 1977. Et sinon, pour ce qui est de la première partie du bloc, ben, on a fait un peu la même chose pour Black Sabbath qu'on a entendu en personne avec leur classique National Acrobat, tout droit à elle tirée de Sabbath Bloody Sabbath en 73. Il y a un auditeur qui me disait qu'il était vraiment productif dans le temps, il avait fait 5 albums en 3 ans. Un petit peu la drogue qui vont avoir eu raison d'eux, mais vraiment, on regarde ça aujourd'hui, on est fasciné quand un groupe sort un album aux 2-3 ans. Black Sabbath, 5 albums, en 3 ans. Et cette chanson-là, National Acrobat, qui était précédée ici d'un excellent cover de Changes, déjà une magnifique pièce qui gagne à être connue de Black Sabbath en 72, album Volume 4. Mais nous, on l'a entendu par le plus grand que nature, Charles Bradley, qui, lui aussi, et j'insiste, gagne vraiment à être connu. C'est quelqu'un qui, ni plus ni moins, est venu sauver le soul classique à la Otis Redding dans les années 2000-2010. En fait, tellement qu'il va commencer sa carrière comme personnificateur de James Brown, déjà, après avoir longtemps combattu sa peur de se produire sur scène, si je me trompe pas, c'est sa mère qui va beaucoup l'encourager. Il va finalement enregistrer son premier album tardivement en 2011. Et là, je dis tardivement parce qu'à l'époque, il a déjà 62 ans, même si il est jamais trop tard pour bien faire. Un album qui va faire beaucoup de bruit, des bonnes critiques, tout ça, mais malheureusement, il va décéder quelques années plus tard, en 2017, après nous avoir laissé 4 magnifiques albums que je vous invite fortement à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et à travers tout ça, ben, il y avait sa version de Changes de Black Sabbath en 2017. Chanson qui est aussi le thème de l'émission Big Mouth sur Netflix, pour ceux qui connaissent. Et tout ça amorcé, pourquoi pas, par ce cher Jean Lapointe qu'on oublie trop souvent avec Mon oncle Edmond de 1976, une de mes préférées de lui, personnellement, chose qui était précédée d'une des formations qui groove le plus sur la terre en ce moment, tout à fait dans l'esprit du funk, des Meters de la Nouvelle-Orléans, ou de Booker T and the MGs, qui assurent le thème de l'émission presque à tous les mercredis soirs depuis des années à Mélomane, ont entendu en 2021 de leur album le plus récent. C'est tout nouveau, tout chaud, Hole in One du Delvin Lamar Organ Trio, que je vous enjoins d'aller voir performer sur YouTube. Ça vaut vraiment le détour. Mais c'est pas tout ça. On a encore plein de musique à se mettre sous la dent. Et qui sait quelle direction ça va prendre encore? Parce que c'est comme ça, Mélomane, au 99.1 et 88.9 CFNJ. Just like a breath of spring, you came my way. I heard a bluebird sing, but not today. Cause it's winter time, and the leaves are brown. Since you went away, my world fell down. Agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar. Quero ver quem vai. Agora vou, termina. Agora vou, discorrer. Quem sabe tudo, diz logo. Fica sem nada a dizer. Quero ver quem vai voltar. Quero ver quem vai fugir. Quero ver quem vai ficar. Quero ver quem vai trair. Por isso eu fecho essa roda. A roda que eu te fiz. A roda que é do povo. O disse, diz o que eu diz. Mas o disse, diz o que eu diz. Mas o disse, diz o que eu diz. O disse, diz o que eu diz. I'm a

Il y a longtemps, entre les tours de Bruges et Gand, zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind, zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee, zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht, en schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand, couleur des tours de Bruges et Gand. Aïe, Marieke, Marieke, le ciel flamand, pleure avec moi de Bruges à Gand. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand, pesait-il torrent de Bruges à Gand. Ai, Marieke, Marieke, sur tes 20 ans, que j'aimais tant de Bruges à Gand. Zonder liefde, warme liefde, lacht de duivel, de zwarte duivel. Zonder liefde, warme liefde, brandt mijn hart, mijn oude harde. Zonder liefde, warme liefde, sterft de zomer, de droeve zomer. En schuurt het land over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, Marieke, reviens le temps de Bruges et Gand. Ai, Marieke, Marieke, reviens le temps. Ces risques d'orage pour les prochaines heures sur la Naudière, minimum de 6 à 10 degrés. Jeudi, des averses le matin, alternance de soleil et de nuages en après-midi, journée venteuse, on devrait atteindre des maximums de 14 à 21 degrés. Et vendredi, de la pluie, maximum de 7 à 10 degrés. CFNJ 99 ans. Et toujours à Méloman ce soir sur les ondes de CFNJ, de retour d'un petit voyage assez éclectique. Merci. La chose s'étant terminée sur un classique de M. Jacques Brel en personne, sur une magnifique valse composée par son pianiste Gérard Jouannet, qu'on oublie trop souvent et qui, pourtant, va être le co-créateur de la plupart des chansons de Brel, dont celle qu'on vient d'entendre, Marique ou Mariquet, 1961, moitié français, moitié néerlandais, langue de souche germanique que parlent entre autres les Flamands, les deux langues officielles de la Belgique, d'où nous provient bien sûr Jacques Brel, même s'il est beaucoup associé à la chanson française. D'ailleurs, il existe une version 45 tours de Marique entièrement en néerlandais et ce qui est encore plus intéressant, c'est que sur l'autre face du même 45 tours, on pouvait retrouver aussi la version flamande de la fameuse « Ne me quitte pas » avec une intro complètement différente, complètement envoûtante. Il faut entendre ça au moins une fois. Et parlant d'envoûtant, ben, on a entendu un extrait d'une collaboration légendaire dans le monde du jazz. Et c'est un euphémisme, parce que le 26 septembre 1962 vont se réunir Duke Ellington et John Coltrane pour enregistrer un album en entier, tout en un jour, tout en spontanéité. D'ailleurs, ça va un peu agacer Coltrane, le perfectionniste qui aurait bien aimé retravailler les pièces comme il avait l'habitude de le faire. Mais il va finalement se résoudre à dire qu'en effet, il y avait beaucoup à apprendre du grand Duke Ellington, son aîné, et que le résultat aurait sûrement pas eu le même cachet. Donc, c'est en 1963 que l'album va sortir sous le nom, tout simplement, de Duke Ellington and John Coltrane, avec la fameuse photo iconique, toute simple, de Coltrane, assis avec son sax au piano avec Duke Ellington. La rencontre de deux générations, hein, vraiment, parce que Duke Ellington, qui avait été synonyme des grandes années du swing, du Harlem Renaissance pendant les années de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, et Coltrane, qui, lui, était vu à l'époque comme faisant partie de la jeunesse, à l'avant-garde, tout juste sorti des expérimentations modales avec Miles Davis sur Kind of Blue, entre autres, et aussi son fameux Giant Steps à lui, un peu plus étourdissant, un peu le yin du yang de Kind of Blue avec Miles Davis, on peut dire. Donc, il y avait quelque chose de vraiment beau dans cette rencontre-là, plus intime, surtout pour Duke, qui était habitué aux gros arrangements de Big Band, dont il est un des maîtres absolus, soit dit en passant, il faut le dire, Duke Ellington, facilement avec Count Basie, les deux plus grands leaders de Big Band de l'époque. Bref, de cet album-là, nous, on a entendu la magnifique My Little Brown Book, composition de Billy Strayhorn, compère de toujours d'Ellington. D'ailleurs, c'est à lui qu'on doit Take the A-Train, un des plus gros classiques du swing de tous les temps. Et sinon, ben, juste avant ça, on était avec, pourquoi pas, Joe Dassin. Il était une fois, nous deux, gros succès de 1976. Chanson que je dédie à Jeanne Bibeau. Elle va comprendre pourquoi. J'ai moins une longue histoire à vous raconter là-dessus, mais tout de même, c'est construit sur un cycle de quintes, chose qui est loin d'être étrangère au jazzman. On pouvait retrouver cette chanson-là sur un des albums les plus importants de Joe Dassin, soit le fameux Jardin du Luxembourg, dont la pièce-titre faisait pas moins de 12 minutes, le plus proche dont Joe Dassin a jamais été de faire du prog, mesdames et messieurs. Et tout ça, encore une fois, qui suivait de façon tout à fait rocambolesque le Jimi Hendrix Experience avec Gypsy Eyes, il n'y a pas de H ici, un extrait de l'album double Electric Ladyland 1968. C'était aussi la face B du 45 tours de Crosstown Traffic, Electric Ladyland, qui est aussi notoire, du moins dans sa version anglaise, pour sa pochette qui consiste en une photo de 19 jeunes filles complètement nues sur un fond noir. Pochette que Hendrix lui-même initialement n'a pas nécessairement appréciée, mais il a finalement dit « Oh, c'est correct ». Mais pas besoin de dire qu'il en fallait pas plus en 1968 pour que ce soit considéré comme pornographique et qu'il va même y avoir certains magasins de disques qui vont aller jusqu'à le vendre dans un sac en papier brun pour censurer la fameuse pochette. Mais le plus important, c'est que ça va être le dernier album studio d'Hendrix avant sa mort intempestive, le 18 septembre 1970. Et juste avant ça, on était avec Sergio Mendes et son groupe Brazil 66 dans une reprise de Roda, composée par le grand Gilberto Gil, la même année, en 1967. Parce que j'ai vu cette semaine dans mes souvenirs Facebook, imaginez-vous, il y a 5 ans, presque jour pour jour, c'était le grand spécial Brésil Mélomane, à l'époque où c'était des émissions de 3 heures. Une émission que vous pouvez toujours aller écouter en passant par le biais du groupe Facebook Mélomane. Et sinon, ben, tout ce beau bloc amorcé par Sagittarius, un des nombreux projets de Kurt Boecher, dont on a déjà parlé plus longuement à l'émission. Un espèce de Brian Wilson méconnu pour les collectionneurs de trucs obscurs de l'époque. Eh bien, on a entendu Sagittarius en 1967 avec leur plus gros succès, My World Fell Down, version courte, parce qu'il en existe une plus longue, plus psychédélique un peu. Une chanson qui est en fait une reprise du groupe The Ivy League de l'année précédente. Et nous, là, ben, on reste à peu près dans les mêmes années pour l'instant, 1968 pour être plus précis, mais dans un tout autre ordre d'idées. Tout ça qui se passe bien sûr à Mélomane, 99 ans et 88.9 CFNG. Écoute les orgues, elle joue pour toi, il est terrible cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette air-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même. Pauvre con. Écoute les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même pour un con. Thank you. yeah. Yeah, yeah. Vex is the guest for the week, yeah. Yeah, yeah. Yeah, taking my life, thinking it's right. Switching and missing the point to the type. Washing the thoughts in the back of my mind. Telling that I know for fact that they mine. Watch me, I'm so low. I walk with your photo. Take money from the locked door. Bitch, move back what you came for. Swinging down the waterway. Take a dip in the flesh shade. I come with the landscape. I run with the wrong day. Tell me, bitch, that I wait outside. Tell me shit that I never hide. Thinking down with no side to side. Break down with no shit to try. I don't know about you, but I'm having a really great time. There's no way that I can express to you what I'm feeling right now. My heart is full to bursting, except to say, I'm the king of the world! All the leaves are brown, and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in L.A. California dreaming on such a winter's day. Went to a church yesterday. I stopped along the way. Stay. I'm calling so Precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby. Eu sei que é assim, baby, baby. Eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo, baby, baby, há quanto tempo. Você precisa aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei, comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa, você precisa. Não sei, leia a minha camisa. Baby, baby, I love you, baby, baby, I love you, baby, baby, I love you, baby, baby, I love you. 99 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Méloman avec Mathieu Lajoie. Thank you. pays de ses zones. Le pays qu'on appelle la bande. Albert Simon. Aïe, aïe, seigneur, ça bête. Ma grenouille est malade. Aïe, aïe, pauvre seigneur. Et elle n'a plus 20 ans. Aïe, aïe, quelle catastrophe. Le soleil est en rage. Et la fête annoncée du beau temps. Seigneur météo, quand dit-il fait beau. Seigneur météo, oh là là, quel frigo. Aïe, aïe, seigneur météo, quand mi transistor. Esperanza, calor, il attend. Quel là. L'été, on s'enrhume facile. Et depuis les restrictions, ne formons qu'un seul corps. Et de Toulouse à Tours, aimons-nous davantage. L'amour est le seul vrai radiateur. Seigneur météo, quand on dit qu'il fait bon. Seigneur météo, oh là là, quel frigo. Aïe, seigneur météo, quand on mi transistor. Esperanza, calor, il attend. Quel holo. Madame est là. Madame là, s'il vous plaît. Oh non, la madame est partie danser le cha-cha-cha, Seigneur Zabé. Le cha-cha-cha, Seigneur Zabé. Enfile le cha-cha-cha. Oh! À la télévision, tu annonces la neige. Il prend ses précautions. Je mets mon bermuda. Si dans tes prévisions, tu promets le soleil. Je ressors mon parapluie à poids rouge. Seigneur météo, quand on dit qu'il fait beau. Seigneur météo, oh là là, quel frigo. Aïe, aïe, seigneur météo, quand on mi transistor. Esperanza, calor, il attend. Seigneur météo, quand on dit qu'il fait beau. Seigneur météo, oh là là, quel frigo. Aïe, aïe, seigneur météo, quand on mi transistor. Esperanza, calor. Señor Meteo, cuando dice el pepo. Señor Meteo, la magia. Et c'est toujours à Méloman que ça se passe ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 avec un petit clin d'œil en passant, un hommage à Bob Petit qui jadis animait Bon Week-end Lanaudière sur les ondes de CFNJ, une émission qui, si mes souvenirs sont bons, parce que j'avais alors un tout jeune âge, haut comme trois pommes, une émission qui avait pour thème « Seigneur Météo » de Patrick Zabé, qu'on vient tout juste d'entendre. Succès de 1975, reprise de 1974 d'un artiste qui s'appelait Carlos, mais au Québec, c'est Patrick Zabé qui l'a repris en 1975. Son succès qui ouvrait son fameux album « Agadou Doudou ». Donc, conséquemment, pas mal son plus populaire. On a entendu ça juste après avoir fait un petit détour dans le monde de la musique surf. Une vague, c'est le cas de le dire, qui n'a pas duré longtemps, mais qui a engendré une quantité de groupes phénoménales comme The Pyramids, qu'on a entendu avec leur classique Penetration de 1963, chanson de laquelle on dit qu'elle serait un des derniers succès majeurs de la dite vague de musique surf, justement. Et sinon, ben, on a quand même gardé un certain esprit tropical juste avant. En fait, on a été dans ce qu'on appelle le mouvement du Tropicalia, ou du moins quelque chose qui est issu de cette époque-là. Le Tropicalia, c'était grosso modo un amalgame de toutes les musiques traditionnelles brésiliennes, y compris la bossa nova d'Antonio Carlos Jobim de la génération précédente. Mais là, c'était la twist psychédélique, ni plus ni moins, de la génération baby boomers slash hippie qui suivait. Ça va souvent aussi être, sans surprise, beaucoup plus politisé que la bossa nova originale de l'époque d'avant. Et les figures de proue du mouvement en question vont être des légendes comme Caetano Veloso et Gilberto Gil, dont on a brièvement parlé tantôt, Mais nous, c'est la belle Gal Costa qu'on a entendue en 1969 avec la chanson « Baby », qui est justement une composition de Caetano Veloso. Et pourquoi deux pièces brésiliennes ce soir? Eh bien, parce que il y a 5 ans, comme je disais tantôt, presque jour pour jour, c'était le grand spécial Brésil Mélomane, tout simplement, si j'en crois mes souvenirs Facebook. Et juste avant ça, ben, on était moitié en Afrique du Sud, moitié avec Peter Gabriel et son émouvant hommage à Steve Biko, activiste anti-apartheid décédé aux mains de policiers le 12 septembre 1977, ce qui va pousser Gabriel à composer cette chanson-là et la sortir en 1980 sur son 3e album solo après son départ de Genesis, et ça va devenir tellement efficace comme chanson qu'elle va être interdite en Afrique du Sud parce que considérée comme une menace à la sécurité par le gouvernement en place, imaginez. Après ça, on va dire que l'art, ça sert à rien, ça sert pas à faire bouger les choses. Bref. Et sinon, un autre petit duo à l'image de ce qu'on a fait tantôt dans les autres blocs, une petite allusion aux Mamas and the Papas, mais sans jamais cette fois-là vraiment les entendre eux en tant que tels. On a plutôt entendu le seul et unique Bobby Womack avec sa très belle version de California Dreamin' de 1968 qui suivait le gros trap de Night Lovell, artiste canadien avec Dera City Center, qui, comme vous l'avez peut-être remarqué, utilisait un sample, comme on dit en bon français, de l'intro de guitare originale de, vous l'aurez deviné, California Dreamin' des Mamas and the Papas, le tout amorcé par qui d'autre que Serge Gainsbourg et son Requiem pour un con de 1968. Et nous, ben, il nous reste un petit segment musical pas piqué des verres et qui va commencer comme suit au 99.1 et 88.9 CFNJ. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed, let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me, forget your foolish pride. To have sorrow, you may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want, so go on and live. Baby, go on and live. Tell it like it is. Play with, go and find yourself a toy. But I'll tell it like it is. My time is too expensive, and I'm not your little boy. Hello out there. We're about ready to begin our program. It's a beautiful day in Chicago, and we're going to have a wonderful time this afternoon. I want to acknowledge the presence of the man that made and named Mr. Winston Moore director, our own beloved Sheriff Woods. Children, and now you want to give them back. Yes, I've been done. kneels before the grave, a brave son who gave his life to save the slogan that hovers between the headstone and her eyes, for they penetrate her grieving. Talking new words that only they can share in new words. A love so strong it tears their hearts to see through the bleeding hours of morning. Love is careless in its choosing, swooning over cross and daily. Love descends on those. Word and told of love, and how my God on high is all love. The reaching of my loneliness evolves by the blindness that surrounds him. Et toujours à Mélomane sur les ondes de CFNJ 89.1, 88.9, de retour de ce qui va s'avérer notre dernier bloc de la soirée. Mais, comme toujours, on se quitte pas sans un petit tour d'horizon de ce qu'on a entendu. Le grand David Bowie, le maître caméléon, saint patron du glam, à l'époque de Ziggy Stardust, qu'on a entendu avec Soul Love de 1972, qui suivait une performance légendaire de B.B. King live à la prison du comté de Cook à Chicago, enregistrée en 1970. On a entendu How Blue Can You Get, qui elle-même était précédée d'un énorme classique du soul de 1966, Darren Neville avec Tell It Like It Is. Et c'est ce qui me mène à vous souhaiter une bonne semaine et à vous donner rendez-vous mercredi prochain à 20h pour un autre Mélomane. En vous souhaitant une bonne nuit à l'antenne du 99.1 et 88.9 CFNJ.